Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast auto, émission du 7 octobre 2014. On est déjà rendu en octobre, l'année achève, mais on a eu quand même des belles températures dans normal. Le mois de septembre a quand même été très bien, on peut pas vraiment chialer là-dessus. C'est pas comme si l'hiver était déjà arrivé, donc on va le prendre pendant que ça passe. Et bon, Luc Desormeaux au micro et ce soir avec moi, mes deux comparses habituels. On va commencer par Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Travaille toujours aussi fort. Oui, cours encore partout. tu roules un peu partout, on va dire. Ouais, je roule un peu partout. Ouais. Et aussi Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, très bien. Bon, donc, bonjour tout le monde. Merci de nous écouter une autre fois. Cette semaine, je vais vous parler d'un de mes essais routiers qui est la Mazda 3. 2014, nouvelle version de la Mazda. Bon, vous l'avez vu sur les routes, au nombre de Mazda qu'il y a sur les routes de nos jours, ça me surprendrait, vous n'avez pas déjà vu la Mazda 3 2014, la version refaite au complet. Et puis après ça, Martin va nous parler de nouvelles qu'il a remuées, ça l'a travaillé vraiment. Cadillac qui décide de déménager à New York. Bon. On y reviendra, c'est un peu spécial, mais Martin va nous expliquer un peu pourquoi c'est si spécial que ça. Mais on va en reparler après, puis si on a le temps, on va passer une coupe d'actualité, des choses comme ça. Donc, Mazda 3 2014, je pense que je l'ai dit une couple de fois dans l'émission, je conduis personnellement, quand t'es pas stationné à quelque part pour une flotte de presse, une Mazda 3 GT 2008, donc j'avais bien hâte d'essayer la nouvelle Mazda 3 parce que ça se compare un peu à ce que j'ai. Voir l'évolution. J'ai essayé la Mazda 3 de 2012 qui était bon sensiblement le même modèle que ce que j'ai, mais avec la nouvelle motorisation Skyactiv. Là, on parle vraiment d'un modèle qui a été, ce qu'on pourrait dire, sky-activé, si on veut inventer un terme. Ça veut dire que, bon, toutes les technologies sky-active ont été mises dans la voiture. C'est quoi la technologie sky-active? C'est pas juste, bon, un moteur, une transmission, c'est vraiment une ligne de pensée. C'est s'arranger pour que l'air s'écoule mieux, que la voiture soit moins lourde. On a même été jusqu'à enlever des espèces de racoins dans la plateforme de la voiture où l'air pouvait faire une restriction, puis comme essayer de ralentir la voiture, on s'est arrangé pour que l'air s'écoule mieux, donc avoir moins de restrictions et tout ça. Donc c'est vraiment une ligne de pensée. Puis ça va avec le design Kodo de Mazda qui est, on a vu Kodo qui veut dire l'âme du mouvement là, ce que Mazda dit. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu dans le CX-5 et le VUS qui a remplacé le Tribute, qui était aussi l'Escape chez Ford. On a fait ça aussi pour la Mazda 6 dernièrement. Puis là, on le fait pour la Mazda 3. Donc, voiture qui est vraiment beaucoup plus belle. Là. Je regarde la mienne. J'aime beaucoup ma Mazda 3. Je vais commencer par vous dire ça. Je vais la changer dans un avenir simili rapproché. J'ai le goût d'aller vers une voiture électrique ou quelque chose de genre, mais bon, présentement, vu que, comme j'ai dit au début, je la conduis jamais, elle est toujours stationnée à quelque part à Montréal dans un stationnement de flotte d'automobile où je vais ramasser ma voiture de la semaine, que ça me donne pas vraiment grand chose de mettre 2, 3, 400 $ par mois sur une auto qui va finalement dormir là. Donc, je garde ma Mazda 3. Puis j'ai toujours un peu de plaisir à chaque fois que je reprends ma Mazda pour m'en aller à une autre place. C'est une voiture qui est le fun, c'est une voiture qui est nerveuse, c'est une voiture qui même si c'est un 4 portes, puis elle a l'air de rien, elle a un petit comportement sportif, ça se prend pour un autre, ça se prend pour une petite voiture sport. C'est ce que j'aime de ma Mazda, c'est un peu pour ça que je l'ai achetée. La seule place où j'aime moins ma Mazda, c'est qu'elle boit du gaz comme un truck. Les anciennes Mazda 3 étaient assez impressionnantes là-dessus. Glouton. C'est ça, c'est pas économique. Puis pourtant, quand je l'ai acheté, j'ai demandé au vendeur, est-ce que c'est économique d'essence, cette voiture-là? Dans ce temps-là, j'avais pas suivi la Mazda, je faisais pas encore de critique d'auto, j'avais pas lu. C'était leur modèle économique, ça voulait pas dire la même chose. C'est ça. Te dire que c'est ton modèle le plus économique, c'était pas nécessairement une bonne chose à suivre dans ce temps-là chez Mazda. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Donc, ma Mazda à moi doit faire à peu près du 9 à 10, 10.5 litres au 100 km là, pour un petit 4 cylindres de 2.3 litres. Là. C'est glouton pas mal. Par rapport aux normes d'aujourd'hui, c'est assez... Ouais. on fait moins que ça là, maintenant. Donc, mais juste pour vous dire, je l'aime ma Mazda 3. La nouvelle, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus raffiné. Les technologies C'est moteur pas et la même transmission, machine. non, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup mieux. Donc, comme je disais, j'avais beaucoup hâte de l'essayer. J'ai réussi à l'avoir, bon, il y a quelques semaines. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai essayé. Mon article est sorti sur le site de Kijiji si vous voulez aller le lire. Je vous résume en gros à peu près ce que j'ai écrit, là. Donc, l'extérieur, là, si on regarde, la Mazda a un look beaucoup plus européen que ce qu'elle avait avant. Là, on a vraiment presque l'impression que c'est une auto allemande, là, quand on regarde les phares, la manière que ça a été fini, que l'extérieur a été créé. On a presque l'impression de regarder une voiture allemande. Je l'avais dit pour la Mazda 6, là, avec les phares, le logo, puis la calandre, là, on a presque l'impression que c'est une Mercedes, la manière que ça a été fait. Puis la finition est aussi belle que ça. Bon, c'est sûr, moi, j'ai eu la 3 Sport. Pour ceux qui ne connaissent pas les Mazda 3, il y a une version berline qui est une 4 portes normale avec un coffre comme la plupart des voitures, là, Chevrolet Cruze, des choses comme ça, Toyota, Camry, Corolla. Bon, c'est une voiture ce qu'on appelle une 4 portes communément. Puis il y a une 5 portes qui est une voiture à hayon, donc qu'on appelle communément hatchback, comme une Golf de Volkswagen ou ces modèles-là, je dirais une Focus de Ford, mais le Ford fait les deux versions. Donc c'est une voiture à hayon, donc ce qu'on appelle une 5 portes. Moi j'ai eu le modèle 5 portes, ce qui est vraiment mon modèle préféré pour la Mazda 3. La Mazda 6 existe en version à hayon, mais juste en Europe. Je comprends pas pourquoi qu'ils l'ont pas amené ici. Si je me trompe pas, la La version 6, c'était pas une familiale? Ouais, la 6, c'était une familiale, mais elle se faisait à hayon quand même, puis ils l'ont pas apportée cette année, mais Mais elle se fait encore en Europe. c'est pas très. Aux États-Unis, c'est pas des gros vendeurs, hein. Non. Souvent, on les a pas ici. Pas parce qu'ils se vendraient pas ici, pas parce qu'on n'est pas intéressé, mais parce que la base de marché est pas intéressée, elle. Ouais, les Américains en veulent pas. Puis c'est un peu le problème là, des hatchbacks, des voitures 5 portes. Les Américains sont pas Les friands de ça. diesels aussi. Ouais, mais nous autres, on adore ça. Mais bon, pour la 3, Mazda n'a pas vraiment le choix. Là, il l'offrait dans l'ancien modèle, il fallait qu'il l'offre dans le nouveau modèle aussi. Donc, on a un sport, puis on a un modèle berline régulière. Moi, j'aime mieux le modèle sport. Je trouve que ça donne un look un peu plus sport, justement. Ça a l'air un peu plus agressif. C'est vraiment beaucoup plus beau. Donc, c'est ça. Moi, j'avais le modèle GT tout équipé, donc les phares au bi-xénon. Évidemment. Ouais, les phares au bi-xénon puis tout ça, qui sont adaptatifs. Donc quand tu prends une courbe, ils vont éclairer à la bonne place dans la courbe et non pas juste tout droit, l'arbre tout droit en avant de toi, mais vraiment la route, ce qui est vraiment très bien. Les jantes, bon, j'avais des jantes de 17 pouces sur la mienne. Frein à disque aux 4 roues, ça c'est standard. De base, si vous prenez le modèle de base, ça va venir avec des roues en acier de 16 pouces puis des enjoliveurs. Bon, c'est moins joli, mais ça fait le travail quand même. Si vous n'avez pas un beau gros budget, la Mazda 3 peut faire le travail pareil, là. Ça commence pas tellement cher, là. Dans mon article sur Kijiji, j'ai pas les prix parce que, bon, Kijiji, c'est plus une place de voitures usagées, donc je mets pas nécessairement les prix dessus. Mais bon, je pense que ça commence aux alentours de 17 000. C'est pas super cher comme voiture, mais à ce prix-là, vous avez une boîte manuelle à 6 rapports puis des jantes en acier avec des enjoliveurs de 16 pouces. Moi, c'est 17 pouces. Frein à disque, comme je disais, c'est de série sur la voiture, peu importe le modèle que vous prenez. Échappement double aussi de série sur tous les modèles. Ça donne encore là un look sport, un look plus jeune, un look plus agressif. C'est vraiment bien. Le hayon, C'est une sous. bonne partie de la clientèle. Ouais, quoi ça, Les le. jeunes plus agressifs. Ben ouais, ça, Quand on les c'est. regarde sur la route, il y en a beaucoup, beaucoup de Mazda 3 de jeunes agressifs. Ouais, c'est ça, il y en a pas mal. Surtout des plus vieilles Mazda 3 Oui, battu à sport. mort avec de la rouille, là. Oui. Bon, ouais, ça, il y en a pas mal. C'est des Mazda avec de la roue, il y en a pas mal, mais faut reculer Le vraiment. problème est réglé, là, Ouais, le mais. problème est réglé, ça fait longtemps, Parce là. que les véhicules sont encore sur la route depuis le temps, là. C'est un peu le C'est même problème que les anciennes Ford Focus, là. ça. Ils sont en train de se dissoudre. Ils ont réglé le problème 2008-2009. La mienne rouille pas. Mais avant ça, ils ont eu un sérieux problème de rouille. Il y a même eu un rappel de Mazda pour des problèmes de rouille, ces modèles. Je pense que c'était 2005-2006, là. Fait que mais ça a été réglé depuis ce temps-là. Même maintenant, là, ils offrent une garantie de, je pense, c'est 7 ans pour la rouille, pour la perforation, là. Fait qu'ils ont fait le devoir, puis tout a changé, là, dans la manière que c'est fait, les matériaux utilisés, la manière qu'ils peinturent les C'est autos. plus la même auto du tout. C'est plus pareil. Pas tout, pas tout, pas tout. Ça a de Mazda 3 que le nom. L'intérieur, je vous dirais, celle que j'ai eue. L'histoire est drôle, c'est de ma faute, je me suis trompé. Puis la dame qui s'occupe de la flotte de presse de Mazda a été vraiment une perle. Elle est incroyable, elle est super gentille. J'avais réservé deux voitures la même semaine, puis je m'étais trompé dans mon agenda. Donc, la semaine que j'étais supposé ramasser la Mazda 3, je ne l'ai pas ramassée. Quand je l'ai su, je filais vraiment mal parce que je ne l'ai pas ramassée. Puis je pensais pas que je la ramasserais. Je pensais que je la ramassais 2 semaines plus tard. Donc, je suis arrivé, puis je dis bonjour, je viens chercher la Mazda. Elle dit, ah ouais, mais tu sais pas, c'était pas l'autre semaine. Je dis, ben non, je regarde mon agenda, puis c'est cette semaine, puis tout, tout, tout. Elle dit, ben, j'en ai pas, mais elle dit, attends un peu, m'a arrangé quelque chose. Fait que, ils m'ont prêté une Mazda qui était sortie de la flotte. Elle était plus dans la flotte, mais elle avait été nettoyée, tout ça, parce que, bon, une voiture, quand c'est fini, quand ça sort de la flotte, ça retourne soit à l'encan, soit c'est vendu à un concessionnaire, puis le client peut l'acheter, tout ça. Donc, j'ai eu la voiture que je n'étais pas nécessairement supposé avoir. Elle était rouge, le rouge Mazda, là, c'est vraiment, si vous voyez les voitures Mazda présentement, quand ils présentent une nouvelle voiture, c'est rouge. C'est le rouge comme icône de Mazda présentement. Il est vraiment beau. C'est un rouge un peu rouge vin, mais un peu plus brillant que ce qu'on est habitué Oui, de c'est une voir pour les très rouges belle vin. couleur. Fait que c'est un vrai beau rouge. Intérieur, beige et noir. Beige, mais beige blanc là, et noir. C'était vraiment magnifique. J'ai ouvert Pas la. trop salissant. Ben, ça n'a pas été trop pire. Hey, le siège est un petit peu taché, mais bon, qui s'est assis dedans et tout ça avant ça, je ne sais pas Y a trop. une vie de flotte de presse. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'était vraiment pas si pire. J'aurais pensé que ça aurait été pire que ça. Puis un bon nettoyage, peut-être du siège en particulier, ça serait plus là, là. Mais c'était vraiment beau là. La majorité des sièges étaient bon blanc beige, pas le blanc cassé là, presque beige, avec des insertions noires dedans. Là, dans les portières, on avait aussi des insertions de beige avec la portière majoritairement en noir. C'était vraiment beau. J'ai ouvert la porte, j'ai juste fait waouh, c'est pas ma Mazda ça. C'est vraiment pas ma Mazda. Fait qu'ils ont travaillé extrêmement fort pour l'intérieur. C'était moi ça sautait aux yeux là. Puis je comprends pourquoi ils ont mis cette voiture-là dans la flotte de presse. Je veux dire, l'intérieur est tellement wow, c'est incroyable. Donc, c'est ça, c'était vraiment, ça avait l'air haut de gamme, ça avait l'air vraiment une voiture plus chère que ce que c'était, là. Moi, j'ai vraiment trouvé super belle. Les sièges étaient en cuir chauffant. Le cuir avait l'air de bonne qualité, là. Ça avait pas l'air du petit. La petite cuirette cheap, là. Fait que c'était vraiment bien. Pour les cadrans, c'est majoritairement des cadrans numériques. On a un cadran analogique qui était pour le contour. Le reste, c'est tout des cadrans numériques. Puis même dans le cadran analogique, on a une petite partie numérique qu'on peut avoir les informations qu'on veut avoir. Ils ont aussi eu la bonne idée, puis ça, c'est pas dans tous les modèles, c'est les modèles un peu plus évolués. Je pense que ça commence avec juste dans la GT ou même la GS bien équipée, là. Mais il y a une espèce de palette de plastique qui relève, puis ça va faire comme ce qu'on appelle un heads-up display, c'est un affichage tête haute. On va afficher la vitesse qu'on roule sur cette petite palette de plastique-là. Fait qu'on peut regarder la route en avant. Beaucoup mieux que dans le pare-brise. Ouais, ça évite des reflets ou des choses comme ça. C'est toujours à la même place, c'est toujours bien. Puis on peut afficher aussi d'autres informations, l'information de navigation. Elle peut nous afficher d'autres choses que juste la vitesse. Puis ça, on peut choisir ce qu'elle veut qu'on veut avoir affiché là. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Puis ça fait un look spécial aussi. Ça fait différent d'avoir vraiment comme la vitesse affichée dans le pare-brise. Fait que ça, je trouvais ça bien. On peut aussi afficher, bon, des informations différentes sur les cadrans, les changer comme on aime ça. Donc, vraiment, là, le tableau de bord en tant que tel, les cadrans, tout ça, c'est vraiment super beau. Le système de divertissement, c'est quelque chose de nouveau pour la Mazda 3. J'ai resté surpris parce que j'aurais pensé qu'on aurait eu le même système que celui de la Mazda 6, vu que, bon, la Mazda 6 était sortie avant, c'est quand même récent, puis je me disais, bon, ils vont juste mettre la même scène dans Mazda 3. Non, on est allé avec quelque chose de totalement différent. L'écran n'est pas tactile. L'écran, on utilise ça avec une espèce de roulette comme qui sert un peu de souris avec une coupe de boutons. Au début, j'étais pas trop sûr, là. J'étais comme, OK. Ben, je l'avais eu dans Mazda 6, puis dans Mazda 6, j'étais toujours rendu avec les doigts dans l'écran. Puis je me disais, ah, tu sais, la souris, la petite roulette, je suis pas trop sûr. Puis finalement, une couple de minutes, puis j'ai commencé à jouer un peu avec la roulette, puis tout ça, puis les boutons, puis ah, OK, ah, pour ça, je vais là, pour ça, je vais là. Puis là, je commençais à naviguer. Je me dis, ben, c'est donc bien facile, ça va, On en ça voit de plus fonctionne en plus super bien. souvent des systèmes semblables à ça, parce que Ouais. pour se mettre les doigts dans l'écran, là, toujours être pogné pour l'essuyer, les reflets, le ci, le ça. C'est ça fait sale, tandis que là, ben, on laisse les doigts hors de l'écran, puis on utilise la petite roulette. C'était super bien, ça fonctionnait vraiment bien. Ça a commencé un peu européen, je pense que c'était comme Mercedes qui a commencé avec ça, ce système de roulette-là, ou BMW, là, mais ça marche super bien. En tout cas, moi, je me suis habitué, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Sur l'écran aussi, l'écran principal de la navigation, du système audio, ben, on peut. Bon, montrer de l'information de ce qu'on est en train d'écouter, soit par flux continu sur Bluetooth ou clé USB ou peu importe, mais on peut aussi afficher le système IE Loop, qui est un système de récupération d'énergie. Je pense que j'en avais parlé sur la Mazda 6. Quand on freine, ça travaille un peu comme une voiture hybride. C'est-à-dire quand on freine, on va récupérer cette énergie-là qu'on perdrait au freinage juste en chaleur, puis on récupère l'électricité, donc ça crée de l'électricité, on envoie ça dans un condensateur. Ça aide à générer du courant, puis à fournir du courant pour les systèmes dans l'auto. Donc, justement, le système de navigation et tout ça. Tout ce qui a besoin est d'électricité, mais on peut donner ça. Donc, ça va enlever un peu de travail à l'alternateur, qui lui tourne toujours à l'aide du moteur pour fournir l'électricité, pour toujours garder la batterie pleine. Fait que là, de temps en temps, quand ça c'est plein, l'alternateur tourne dans le vide, ça décharge. Le moteur d'avoir à travailler plus fort, donc ça sauve un peu d'essence. Mais là, dit qu'on sauve un peu de sur l'économie d'essence avec ça aussi, ça va aider. L'intérieur, bon, le reste intérieur silencieux et tout ça, on a tout l'équipement qu'on peut avoir de besoin là, dans une voiture de cette catégorie-là. On a le Bluetooth pour faire des appels téléphoniques, pour écouter l'audio aussi, des choses comme ça. Le système, comme je disais, le système audio est vraiment facile à utiliser. Espace avant, c'est vraiment bien. Moi, j'avais le toit ouvrant aussi, c'était pas trop pire. Souvent, quand on a un toit ouvrant, le toit va descendre un peu, donc la hauteur du toit va descendre un peu, puis l'espace pour le dégagement de la tête, des fois, on va payer à ce niveau-là. Moi, je suis pas hyper grand, là. Je suis à peu près 5 et 10, donc c'est rare que le toit va me frotter au plafond. Ça a déjà arrivé dans certaines voitures, mais dans Mazda 3, c'était pas le cas. En arrière aussi, il y a de la place en masse. Les sièges peuvent se descendre aussi 60-40 si on veut avoir plus d'espace dans le coffre. Le coffre est quand même assez grand aussi, là. On a pas mal de place. Puis c'est correct pour aller faire une épicerie ou partir en voyage une fin de semaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Motorisation. Il y a deux moteurs disponibles. Il y a un 4 cylindres de 2 litres qui développe 155 chevaux, 150 livres-pieds de couple. Puis de série, c'est une boîte manuelle à 6 vitesses. On peut avoir aussi une automatique à 6 vitesses. Puis le deuxième, c'est un 4 cylindres de 2,5 litres qui produit 184 chevaux, 185 livres-pieds de couple. Comme je disais, c'est les mêmes transmissions. Au moment où j'ai écrit mon article, la Mazda 3 GT, donc avec le 2,5 litres, n'était pas disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports. Elle l'est maintenant. Donc, si vous aimez mieux avoir une boîte manuelle puis changer les vitesses vous-même, vous pouvez vous acheter une Mazda 3 GT, donc tout équipé avec une transmission manuelle à 6 rapports aussi. Ça se faisait pas, mais là, présentement, oui. Si vous avez la transmission automatique, ben, il y a des palettes de changement de vitesse au volant, ça vous tente de vous amuser. Mais les transmissions sont tellement précises maintenant que on le fait vraiment juste pour le plaisir. On le fait pas parce que c'est nécessaire. Côté comportement routier, ben ça a pas changé. Je vous disais tantôt que j'aimais ma Mazda 3 parce qu'elle se prenait pour une petite voiture sport et tout ça. C'est encore ça. Il y a un mode, justement, il y a un mode sport pour la voiture qui va changer la calibration de la transmission, comment est-ce qu'elle va changer les rapports, elle va garder le rapport plus longtemps, donner des accélérations un peu plus vives, c'est vraiment très bien. Le volant aussi est à contrôle électrique, c'est pas hydraulique comme c'était avant la direction, donc on est capable de changer le niveau de confort là, pour avoir un volant qui va être plus sport ou plus confortable. Mais bon, les changements sont minimes d'une à l'autre. Mais on peut voir une petite différence quand on le met en mode sport, là. C'est un petit peu plus amusant. On a un petit peu plus de retour, là, ou qu'on pourrait dire de feedback de la route. C'est quand même très bien. Suspension, ça reste une voiture à caractère un peu sportif. Donc, la suspension est un peu plus dure qu'une c'est pas une Cadillac, c'est pas hyper mou, mais c'est pas nécessairement désagréable, Oh, là. les Cadillacs sont plus comme ça, je dirais. Là, C'est c'est un peu plus les moins, Buick. là, C'est ouais. plus les Buick. Ouais, c'est ça, c'est moins que c'est avant, on disait toujours ça porte comme une Cadillac, ça veut dire que peu importe, tu passais Oh, sur un dos down ou même 100 000 à l'heure sur un dos down, puis il n'y avait pas de problème. même un orignal, tu sentais rien, Les enfants, là. ce que tu veux. Ouais, c'est ça, tandis qu'aujourd'hui ça change un peu, mais donc c'est ça, un peu plus sec, mais sec confortable, là. Sec amusant, sec je sens qu'est-ce que je fais, je peux sentir la route, c'est vraiment très bien. Consommation d'essence qui intéresse tout le monde ces jours-ci, avec le gaz à plus de 1,40. Ben, côté consommation, Mazda annonce une moyenne de 7 litres au 100 km en ville, 4,9 sur route, avec le modèle équipé du deux moteurs 2 litres, la boîte manuelle. Là, ça peut être long, là, mais je vais peut-être sauter des bouts parce que là, dans mon article, j'ai mis manuel, automatique et tout ça. Mais bon, c'est ça. Moi, si je vais parler de celle que moi j'ai essayé, là, pour la celle avec le moteur 2,5 litres, donc la GT, la moyenne est de 7,5 litres au 100 km en ville, 5,4 litres au 100 km sur route. Puis la même technologie, si on rajoute le i-Loop, là, on passe de 7 litres au, on est à 7 litres au 100 km en ville, 5 litres au 100 km sur route, donc on perd 0,5 en ville, puis on perd 0,4 sur route avec le i-Loop ajouté selon Mazda. Puis moi, pour ma semaine, j'ai eu 6,6 litres au 100 km, donc ça consomme à peu près 3 à 4 litres de moins que ma Mazda 3, moi. Je dirais, mettons, 3 pour être fin. Rien que ça. Rien que 3 pour être fin. Ouais. Puis je la conduis vraiment sur les mêmes routes, les mêmes conditions, là. Je veux dire, les voitures de presse, ce qui est vraiment tous les jours, on la conduit comme si c'était notre auto. Fait que je vois pas, je fais pas comme ce que vous voyez à RPM, là, ou au guide de l'auto qui sont sur la piste, puis tout ça, puis c'est non. Moi, c'est pas ça. Puis la plupart aussi, ça, c'est pour, ils vous montrent ça pour l'émission, mais normalement, la voiture, on l'utilise comme si c'était notre voiture à tous les jours. Donc, si on a les enfants à les reconduire à l'école, on va les reconduire à l'école. Si on a une épicerie à faire, on va faire l'épicerie. C'est comme si c'était Qu'on notre va faire voiture à nous. beaucoup plus souvent qu'un slalom à 150 km/h de toute façon. C'est ça, puis un freinage d'urgence et tout ça. C'est pratique à savoir que la voiture est capable de le faire. Moi, toutes les Mais voitures sont capables de le faire. c'est ça, plus ou moins bien, là. Mais c'est Oui. ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment l'utilisation à tous les jours que moi je teste, qui est aussi ce que la plupart des chroniqueurs automobiles testent aussi, là. Donc c'est pas mal ça. Donc moi je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Ils ont su garder l'âme, je dirais, de la Mazda 3. Parce que c'est quand même un classique au Québec, là, de la Mazda 3 sur la route, là. Il y en a en tabarnouche, là. Oui. Il y en a une, puis un autre, puis si vous conduisez pour aller travailler, je sais pas, moi, 15, 20 minutes, une demi-heure, vous allez au moins croiser une Mazda 3, peu importe l'année, là. 150, tu veux dire? Ouais, mais je dis au moins une pour être fin, là. Il y en a partout, ça a Là, été il y en a de un moins en moins énorme. de gris souris, là, il y en a de moins en moins. C'est agréable, au moins, ça fait changement. Ouais, ça a de la couleur. Fait que c'est ça, ça, tu sais, elle a une allure sportive, elle est beaucoup plus moderne qu'elle était, elle est vraiment belle, c'est vraiment probablement une des plus belles de sa catégorie. Quoique là, j'ai essayé dernièrement la nouvelle Forte Coupe, puis Kia qui va fort, là, c'est dans la même catégorie avec la Forte, puis chez Kia, on a trois modèles, on a la coupée deux portes, on a la 4 portes, puis on a la 5 portes, tandis que Mazda fait la 4 et la 5. Puis la plupart font 4 et 5. Il y a Honda qui font un 2 portes puis un 4 portes. Ils n'ont pas de hatchback, mais eux autres vont pour les 3. Chez Mazda, ben, on n'a pas de 2 portes, mais on a une coffre puis on a une hatchback. Personne n'en fait une décapotable. Personne n'en fait une décapotable. Pas encore, au du moins. Mais donc c'est ça. C'est vraiment, d'après moi, la référence présentement dans la catégorie. Si vous êtes sur le marché pour ça, allez voir ça. Il y a tellement de bonnes voitures dans cette catégorie-là maintenant que c'est vraiment difficile de se démarquer, mais je pense que Mazda a réussi à faire de quoi de vraiment, vraiment solide. Si j'étais sur le marché pour une voiture comme ça présentement, là, Probablement que je m'arrêterai encore sur la Mazda parce que je veux dire, celle que j'ai présentement me donne tout ce que j'ai besoin. À part, si c'était pas de la consommation d'essence, là, ça serait vraiment la voiture parfaite parce qu'elle est encore le fun à conduire. Puis je veux dire, elle est pas récente, la mienne. Donc, j'ai aucun problème à vous conseiller une Mazda 3 présentement, que ce soit berline ou hatchback, là, ça fait totalement le travail. Fait que si ça vous intéresse, allez la voir. C'est le look aussi. Il y a des gens qui aiment moins l'espèce de grosse calandre. Il y en a qui aiment ça. Moi, je la trouve vraiment, vraiment super belle. Elle a l'air agressive. Mais bon, c'est ça. Moi, je rêvais d'une version totalement noire. Pareil celle que j'ai eue, mais au lieu d'être rouge, noire avec l'intérieur beige et noir comme ça. Là, puis je me disais, ça serait pas laid. Il me semble que ça serait pas laid. Mais bon, c'est chacun ses goûts. Mais non, bonne voiture. Fait que Martin, on va continuer cette émission parce que j'ai déjà pris quasiment le trois quarts à moi tout seul, Ah, oh, c'est pas grave. comme d'habitude. Espèce de C'est manger de juste poc. une. Ah, ben là, c'est ton show, tu sais. Ouais, mais quand même. Mais non, c'est une nouvelle que j'ai vue en fin de semaine qui m'a un peu titillé. Mettons, ça m'a accroché un peu dans l'oreille. C'est Cadillac a décidé de déménager son siège social à Manhattan pour Ouais. son image. C'était meilleur pour son image que Détroit qui est dans le très moribond. Bon, ouais, on peut Là. comprendre le Je comprends le mot logique. c'est à Manhattan, c'est plus prestigieux que Détroit, surtout C'est un présentement. centre d'activité. Ouais. Disons qu'il y a plus de la clientèle cible à Manhattan qu'à Détroit. Mettons. Mais qu'est-ce qui m'a accroché, c'est que probablement que ça aurait été le dernier constructeur que je me serais attendu à voir bouger de Détroit. Parce que c'est probablement la compagnie qui est la plus liée à Détroit de tous les grands constructeurs américains qui étaient installés là. Puis je crois qu'ils l'ont presque tous été à un moment ou à un autre. Ouais, c'est ça. Même le siège social de General Motors même est encore à Détroit. Mais Celui de Ford, puis la plupart des constructeurs américains sont là aussi. sont là ou en banlieue, là, c'est Ouais. vraiment tout autour. Mais Cadillac, c'est le nom original de la compagnie, c'est une compagnie qui faisait des bogeys à chevaux avant, qui a changé son nom pour la Detroit Motor Corporation avant de devenir la Henry Ford Company OK. pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, ok, c'est Trois bon. semaines! Oui, il avait engagé Henry Ford pour redresser la compagnie. Il avait mis la compagnie avec son nom, tout ce qu'on peut vouloir. Il avait fait faire un pont d'or. Puis il a décidé que non, c'est pas de même qu'il ferait ça. Fait que là, il a claqué la porte, il est parti. Fait que les personnes en charge de liquider ce qui restait de la compagnie ont été voir Henry Leyland pour OK. l'évaluer, si on veut, qui les a convaincus de juste changer le tooling, si on veut. De réoutiller Réoutiller l'usine, l'usine. de mettre son moteur à lui dedans, puis de produire des voitures. Étant donné que c'était le 200e anniversaire de la ville de Détroit, ils ont décidé d'appeler la compagnie Cadillac, du nom de Antoine Lamotte Cadillac, qui a fondé la ville de Détroit. Et D'où le logo. l'ironie de s'en aller. D'où le ridicule. Puis pour ajouter encore une couche de plus, le logo de Cadillac sont les armoiries de Cadillac. Le Ah ouais. même fondateur de Détroit. Je comprends parfaitement le move, mais mon côté d'apprécier l'histoire de l'automobile a un peu grincé des dents quand j'ai entendu ça. C'est la dernière compagnie que je me serais attendu à voir se déplacer de là pour ces raisons-là. Le Ouais. nom vient de là. Comme je disais, la compagnie a été baptisée comme ça pour fêter le 200e anniversaire de la ville. C'est presque renier tes origines. C'est, oui, Mais bon. c'est comme cracher dans la face de tes parents. Mais rendu là, je comprends parfaitement le move, mais fallait que j'en parle quelque part. Il me semble que ça m'a vraiment trop accroché pour que je garde ça pour moi. Surtout que j'en ai entendu parler un peu partout, mais personne n'a l'air de se forcer à mentionner que la compagnie est comme intimement liée à Détroit, là, quelque part. Non, ouais, c'est quand même bizarre. Pourtant, Cadillac qui vont bien ces temps-ci, les produits qui sortent sont intéressants, là. J'avais essayé la CTS, j'avais trouvé ça vraiment bien. Ils ont L'ATS, l'ETS coupé qui vient de sortir. super bien. Il y a T'sais. Il est supposé l'année prochaine, il est supposé avoir un nouveau porte-étendard là, pour pouvoir se battre un peu plus égal avec les BMW Série 7 et les Mercedes Classe S. Ouais, c'est ça. C'est une compagnie qui va très bien. C'est probablement une de celles chez General Motors qui a l'air le plus en santé. Ouais, c'est. Puis pourtant, tu sais. Fait que c'est. Je Non, mais sais pas. là, ils ont tout changé. Ils ont changé. Là, ils vont renommer les véhicules avec une nouvelle nomenclature. Ça sera plus des SRX puis des ATS. Puis ça va être encore une nouvelle façon de les nommer. Là, ils déménagent le siège social. Ils veulent vraiment se refaire une image. Là. Mais c'est pas un nouveau dirigeant qui est chez Cadillac, c'est pas un gars qui vient de chez Audi qui vient de ramasser ça ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai entendu Il a ça, été je nommé pense. récemment, ça se peut. Ouais, j'ai entendu ça sur le podcast d'Autoblog en anglais. Il parlait là, que justement le gars essayait de faire sa marque un peu chez Cadillac, mais pourtant les produits sont bons, tu sais, fait que je sais pas trop comment est-ce qu'il va faire ça. Ouais, ça, tant que ça donne pas comme Chris Mangold qui est rentré chez BMW, ça allait très bien avant qu'il arrive. Ouais, c'est ça, puis des fois ça va moins bien dans ce temps-là, c'est comme OK. Ouf. Ouais, mais BMW qui en perd un peu, j'entends beaucoup de chroniqueurs surtout américains qui font l'essai de produits BMW puis ils disent qu'ils sont en train d'en perdre un peu. C'est une très petite compagnie par Oh rapport ouais. aux autres. Quand on regarde BMW, possède BMW puis Mini. Non, ouais, c'est pas Ils ont une division moto, puis ça s'arrête là. c'est sûr, quand tu regardes Mercedes, c'est beaucoup plus gros, C'est tu une sais. immense compagnie. Audi, Audi, c'est le groupe Volkswagen, c'est immense. c'est ça, c'est ça. Tandis que BMW, c'est BMW. C'est tout petit. C'est tout petit. Ça, puis bon, ben c'est beau. Bon, on va finir avec une petite nouvelle. Jean-François, tu voulais nous parler Oui. du Mike Hodder. Oui. Qu'est-ce qu'il veut encore, à part un club de baseball, puis toutes Il veut sortes plein d'affaires? d'affaires. Il Il veut veut les plein. Olympiques, il veut. Tout. La dernière chose qu'il veut dans sa liste, c'est un Grand Prix de la Formule Ouais, dont on en E. parlait il y a une couple de semaines. Exactement. Tant qu'elle n'est Qu'on pas en bas de la troisième page, on va être correct. a. Mais il veut avoir un Grand Prix en 2016. Il dit même qu'il avoir un accord de principe avec la FIA, avec les dirigeants de circuit. Ça, j'en doute très fort qu'il y en ait un accord de principe avec eux, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'homme a la raison pourquoi il a décidé d'aller vers ça, c'est qu'il veut avoir plus d'événements à Montréal. Déjà qu'il y en a quand même pas Mais il mal, n'y en il a en pas veut assez. plus. Ben, c'est ça que je me dis. Ouais. Cet été, il y en avait un à tous les semaines, au quartier des spectacles. C'est Mais sûr que. c'est quand même logique comme idée parce que le Québec est quand même impliqué dans le domaine de la voiture électrique. On installe Ouais, des les bornes de jeunes belles recharge. pistes. On a une piste. Ça dérangera pas trop le monde qui reste l'autre bord du Les fleuve. broyeurs Non, ça fait vont. pas de bruit. Non. Tu sais, ça fait Ça. pas de bruit. Fait que c'est. Puis, je veux dire, c'est juste une course de plus à Montréal. On aime quand même la course automobile au Québec. Ben, moi, je suis Ouais, pas un ça fait grand une fan, fin de mais tu sais. semaine de plus pour Jamel Pont-Jacques-Cartier. Peut-être quelque chose comme ça. T'sais. Moi, je veux dire, si un peu comme dans le film avec Kevin Costner, If you build it, they will come. Je veux dire, si vous le construisez, ils vont y aller. C'est sûr. Moi, je serais intéressé à aller voir une course de Formule 1 à Ben moi Montréal, c'est aussi. sûr. Puis, ce qu'il aimerait faire, c'est avoir la course pour le 375e anniversaire de Montréal qui va avoir lieu en 2017. OK, c'est peut-être C'est faisable. faisable, mais le problème, c'est comme on disait, l'horaire est comme durant l'hiver et non pas durant l'été. Oui, C'est c'est ça le hic, un petit ça, peu, puis on là. a, ils n'ont pas beaucoup d'argent à payer des pots de vin non plus. Non, surtout qu'on est sur mon check-in un petit peu plus. Ouais, Fait que. alors, je sais pas ce que ça va donner. Ça serait intéressant pareil. Oui. Ça serait J'ai vraiment cool. ouais, j'ai hâte de voir si ça va voir Sauf, le jour. c'est ça, vu que la Formule E se déroule dans les rues des villes, la question de savoir où est-ce que le Grand Prix se ferait est encore à négocier. Ouais, parce que Moi. des belles routes à Montréal, il n'y en a pas beaucoup non plus. Non, pas vraiment. C'est pas mal des bosses, puis des trous, puis des nids de poules. Ouais, c'est une un rallye, serait peut-être plus approprié. Oui, un rallye, oui, mais pas une Formule E, je verrais pas ça là. Ouais, lui faire monter la côte du Beaver Hall ou quelque chose comme ça, puis le char arrive en haut, puis de batterie. Puis il redescend Ramasse tranquillement. un trou, arrache la roue, ouais. Ouais, ça faudrait refaire les routes un peu. Ouais, sûrement que Mais. ça va se faire, puis ça paraîtra même pas, puis. Ah. On verra. On gardait un œil intéressé là-dessus, mais le Mike Hodder qui. Je le déteste pas, le Mike Hodder. Je disais ça en farce tout à l'heure, disant qu'il veut tout, là, mais il veut ramener un club de baseball, il veut la Formule E. Ben, c'est Ça sûr, fait il veut. assez longtemps Ça que au personne Québec. veut rien. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Tu veux mettre la Montréal sur la map, je comprends ça. C'est quand même une belle ville, Montréal, là. Ouais. Bon, fait que ça pourrait être intéressant d'avoir du sport automobile puis d'autres choses ici. Mais faut regarder monnaie, tu sais. Le contribuable a une certaine capacité de payer. Si tu commences à Il a couper déjà partout, franchi la plupart du temps. ouais, c'est ça. Puis si tu commences à mettre de l'argent dans des choses comme ça, puis ça a pas vraiment de, tu sais, ça rapporte pas rien, puis on est juste perdant là-dedans. Monnaie, coupe dans santé, coupe dans l'éducation, coupe là, coupe là, coupe là. Puis là, tu dépenses Ouais. pour des choses de sport. Je veux dire, monnaie, le monde va La crier. population. Non, c'est ça. Ouais. Ça commence déjà à crier. Ouais. Fait Bon. que, non. On On va voir ce que verra. ça va donner. Ouais, on va Oui. voir ce que ça va donner. Pour les gens Merci. intéressés, là, le salon de Paris, le mondial de l'auto de Paris s'ouvre. Bon, c'est ouvert déjà, c'est vrai. Ça l'a ouvert la semaine passée. Donc, regardez ça. Si vous êtes intéressé, il va y avoir beaucoup de présentations de choses qu'on va avoir en Amérique du Nord aussi, là. Il me semble la nouvelle Audi TT, puis il y a certaines choses qui vont être annoncées. Une nouvelle Lamborghini aussi chez toi, Martin, tu te magasines une Lamborghini. Ils sont en train de sortir une Lamborghini hybride, branchable. Ici, dans Donc, le bois, c'est parfait. ouais, c'est super bien. Branché dans une Ouais. prise de courant dans un arbre, ça doit être super intéressant. Oui, de Lamborghini aussi. Ouais. Donc, ça, il y a plein de choses intéressantes qui vont être présentées. On en reparlera peut-être sur la prochaine émission. On verra où ce qu'on en sera rendu là. Donc, là-dessus, merci beaucoup, messieurs, de vous être joints à moi. Si les gens veulent vous rejoindre, on fait ça comment, Jean-François? Sur Twitter à JFLIAU. Puis pour l'instant, c'est pas mal ça. Peut-être plus tard, je vais racheter d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Puis toi, Martin? Ah, ben, en dehors de ceux qui prennent le téléphone pour m'appeler, on peut me rejoindre sur tous les réseaux, la plupart des réseaux sociaux sur mon nom, Martin Sagala. Sinon, ça m'arrive sporadiquement d'écrire sur le site du podcast auto. Ouais, mais le sporadique arrive pas souvent, mais ça, c'est pas grave. C'est la définition même de sporadique. Ouais, c'est ça. C'est plus que sporadique. Mais ça, j'écris pas souvent là non plus. Ah, Donc, ces temps faut ici, t'en c'est vouloir. plus dû à des conflits d'horaire, là. Ça Ouais, devrait être ouais. un peu mieux cet hiver. Bon, parfait. On va voir ce que ça va donner. Et puis moi, si vous voulez me rejoindre, ben c'est sur Twitter, @calazormo. Il y a le compte du podcast auto qui est @podcastauto. La page Facebook, venez nous voir sur la page Facebook. Venez nous écrire, puis on va vous répondre. Il n'y a aucun problème. C'est facebook.com/podcastauto. Vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji qui est fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. J'ai nouvel article à chaque semaine. J'ai eu une petite pause voiture électrique. Là, je retombe sur les voitures à essence et tout ça. On va parler pneus d'hiver. On va parler du salon de Paris. On va parler de toutes sortes de choses. Donc, si ça vous tente de venir lire ça, vous pouvez le faire. Si vous voulez nous écrire, c'est à lepodcastauto@gmail.com. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup de nous avoir enduré pendant une autre petite demi-heure. Et puis, on se dit, ben, à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye. Bye Salut. bye.